Allez, debout, on se réveille. Thank you. Mr. Terry Lewis. Comment ce piano. Je peux pas clipping, je ne peux pas. Thank you. arrêter, le guitariste. Moi, je veux bien suivre Score, mais il a arrêté de jouer.